Bonjour mesdames, messieurs auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de ce journal et de la mi-journée de ce mardi dont voici le sommaire. 13 provinces du pays sont maintenant couvertes par les services de titre foncier et cadastre national, alors qu'elles étaient à 3 avant 2021. Vous entendrez dans ce journal le directeur de cette structure qui se réjouit de ces avantages. Et des éleveurs des différents coins du pays déplorent la misère qui pèse sur eux du fait qu'ils n'ont plus le droit de vendre leur bétail pour satisfaire leurs besoins. Et la chronique santé de ce mardi revient sur les effets du tabagisme. Voilà pour les titres. À la cabine technique, vous êtes avec Séraphine Akizima. Nos micros, c'est Vestine Boutouille. À la réalisation, c'est Ornella Mucho. Ouvrons ce journal et part à la page élevage. Certains éleveurs de grains et petits bétail, comme les vaches et chèvres de différentes provinces, déplorent vivre dans la pauvreté. La raison est que le bétail ne leur procure plus rien. Ils regrettent qu'il ne leur ait pas autorisé de les vendre pour subvenir aux besoins. Pour ce, ces éleveurs demandent au gouvernement de trouver un vaccin contre l'épizootie dite fièvre de la vallée du Rift. Ils se sont exprimés ce lundi lors d'une émission de la radio Isanganiro Iwa Nwabugama qui suivait. En ce qui concerne du bétail, vraiment, nous avons assez de problèmes. Auparavant, les vaches mouraient à cause d'une maladie appelée Muyaya. Aujourd'hui, une vache peut mourir comme ça. Qu'ils fassent tout moyen possible pour trouver un vaccin contre cette maladie. Sinon, ce n'est pas facile pour que quelqu'un qui a son bétail, mais qui ne peut pas le vendre pour satisfaire ses besoins en cas de maladie ou en cas de frais scolaires pour son enfant. Nous allons avoir assez de problèmes. Je voulais demander au gouvernement de chercher le matériel pour tester si le bétail est malade, pour qu'un médecin autorise la vente de bétail après avoir l'examiné par un vétérinaire. Qu'ils fassent tout leur possible pour disponibiliser les vaccins pour ces bétails afin qu'ils soient de nouveau mis au marché. Nous demandons que ces bétails soient vaccinés au plus rapidement possible afin que nous soyons autorisés de vendre nos bétails. Et en page économie, diminution de plus de 70% des recettes mensuelles communales de Matana et Mugamba de la province Evoluli suite à la fermeture des marchés du bétail. Une des mesures prises pour lutter contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift qui a attaqué des animaux domestiques dans certaines provinces du pays. Au moment où aucun cas de cette maladie n'est signalé à Evoluli, les vendeurs des viandes de grogne et que leurs points de vente sont fermés depuis plus d'un mois. Ils demandent au ministère en charge de l'élevage de trouver une solution afin qu'ils continuent leurs activités. Les détails avec Zeno Zambiman. La commune de Matana enregistre aujourd'hui une diminution des recettes de 15 millions de francs burundais qu'elle peut recevoir chaque mois en provenance du marché du bétail de Matana. Une diminution de 75% des recettes communales, selon Dieudonné Nkunzimana, l'administrateur de la commune de Matana. Cela suite à la fermeture des marchés du bétail. Au marché du bétail de Tola, en commune de Mugamba, les percepteurs collectaient entre 5 millions et 6 millions de francs burundais par mois avant la fermeture de son marché. Pour le moment, cette commune enregistre une diminution des recettes communales de plus de 70%, selon Venice Nhaombaye, l'administrateur de Gamba. La commune d'Obururi enregistre une perte de 2 millions de francs burundais par mois qu'elle percevait en provenance du marché du bétail d'Obururi, soit une perte de 20% des recettes communales qu'elle percevait chaque mois. Cette mesure de fermer provisoirement le marché du bétail est l'une des mesures qui ont été prises par l'État dans le but de lutter contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift, une maladie du bétail signalée dans certaines provinces du Burundi, selon Clément Heshimana, responsable du service de la santé animale dans la province de Bururi. Il fait savoir que toutes ces mesures doivent être respectées pour ne pas mettre en danger les consommateurs de la viande. Toutefois, certains des éleveurs grognent qui n'ont plus le droit de vendre surtout les vaches et les chèvres pour se procurer de l'argent afin de satisfaire certains de leurs besoins. Des grognes qui se font entendre également chez certains des vendeurs de viande dont leurs points de vente sont depuis plus d'un mois fermés. Tous demandent au ministère ayant l'élevage dans ses attributions de disponibiliser le matériel et le personnel formé pour le dépistage de cette maladie et prendre d'autres mesures afin qu'ils puissent reprendre leurs activités. Depuis Bururi, Zenon Zamimara pour la radio Isanganiro. Merci. Zenon Zambima, n'ayant pas de société, le service d'enregistrement des terres se retrouve dans 13 provinces du pays, dont Moaro et Makamba, parmi les 10 nouvelles assurances du directeur des titres fonciers du cadastre national. Salomon Nivigira précise que cette initiative va s'étendre sur toutes les provinces du pays. Selon lui, cela permettra aux demandeurs de services de réduire les distances et minimiser les dépenses. Suivez-le. Auparavant, il y avait 3 circonscriptions foncières, Bujumbura, Gitega et Ngozi. Il y avait aussi des brigades cadastrales qui se trouvaient à l'ouest, sud, nord, centre. Les 2 services d'abord étaient séparés. Et encore, les 2 services n'étaient pas proches de la population. Vous trouvez ceux qui étaient à Makamba, par exemple, ou à Rutana, qui cherchaient à faire enregistrer son terrain, devraient d'abord chercher les documents cadastraux à Bururi. Dans la suite, ils devraient se déplacer vers Bujumbura pour l'enregistrement. Aujourd'hui, avec cette procédure de décentralisation, celui qui est à Makamba dépose sa requête au bureau qui se trouve à Makamba. Nos agents qui sont là sont chargés de faire tout. C'est la procédure requise afin d'amener les documents finis pour l'enregistrement ici à Bujumbura. Cette structure aujourd'hui se retrouve dans combien de provinces? Actuellement, nous avons déjà ouvert 10 bureaux dans 10 autres provinces. C'est-à-dire, nous avons 13 provinces qui sont déjà couvertes par nos services. Bururi, Rumonge, Makamba, Rutana, Changuzo, Moyinga, la province de Kayanza, Mwaro, Chitoke, Bubanza. Et nous avons un projet d'ouvrir une circonscription foncière à Makamba qui pourra couvrir les provinces de Rutana, Makamba et Bururi. Ce qui reste, c'est l'équipement de ces bureaux pour que nous puissions leur permettre de procéder aussi à l'enregistrement avec les machines qui nous manquent encore. Très prochainement, nous allons procéder à la délivrance de tous ces documents sur les lieux. Et si on a terminé de déposer tous les documents nécessaires pour accéder à ce titre foncier, ça prend combien de temps? C'est variable, ça dépend des demandes que nous avons. Et ça peut durer 4 jours, même une semaine. Mais pour les bureaux, par exemple, de Gitega, Ngozi, où il n'y a pas beaucoup de demandes, dans 2 jours, une fois déjà déposé les documents, c'est terminé. Quelle est la plus-value de l'implantation de ces services au sein de différentes provinces? D'abord, au niveau fiscal. La fiscalité va gagner beaucoup parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas informés sur nos services. Encore, sur la résolution des conflits fonciers. L'enregistrement des terres rentre aussi dans le cadre de la sécurisation foncière, mais aussi pour l'autre. Encore, la terre enregistrée a une grande valeur. On peut même procéder à l'hypothèque dans les banques. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé de 3 minutes aux yeux de la radio Isanganiro. Le journal est continué par la page sécurité. Un certain Jean Bosco Nyonguru, connu sous le sobriquet de Nyaruga, a été tué la nuit de ce lundi à mardi par des personnes non encore identifiées. C'est sur la colline Vilarana, zone Bukuba. C'est en commune Vumbi de la province de Kirundo. Des informations émanant de la police et administration de la commune Marangara où vivait ce chauffeur de taxi-voiture. Des personnes inconnues l'ont appelé pour lui donner des bagages à transporter. En cours de route, des malfaiteurs l'ont arrêté puis tué, poignardé. Son corps a été laissé dans son véhicule. Et des enquêtes policières sont en cours pour mettre la main sur ces malfaiteurs et par là connaître le motif de ce meurtre. Et en page infrastructure, les travaux de construction du pont reliant Musaga et Kamesa en zone urbaine de Musaga de la mairie Bujumbura s'évalue à 80% selon les ouvriers rencontrés sur les lieux. Les habitants de Musaga apprécient cet état d'avancement des travaux. Cependant, ils déplorent le fait qu'en aval de ce pont, il y a un ravin situé à l'ouest et qui risque de menacer ce pont situé sur la RN7 route Bujumbura-Jinda. On va y retourner après. Il n'est pas passé à moins de 100 mètres de la rive du lac Tanganyika pour ceux qui empruntent la voie Lacus et passer au-delà de la ligne électrique passant par cette localité pour ceux qui préfèrent contourner la zone dangereuse de la RN3 Bujumbura-Rumonge par la colline et surplombant la localité. Telles sont les mesures prises ce lundi par le gouverneur de Rumonge afin de prévenir d'éventuels accidents suite aux travaux de débarquement appelés à Jeancourt dans la localité. Dans un communiqué publié ce lundi, Consolateur Nitunga informe que franchir à pied cette zone est sans contourner et seulement autorisé avant 8 heures et au-delà de 17 heures quand les deux pères excavatrices y dépêchés sont au repos et un bateau payé ce lundi matin pour contourner cette zone par le lac Tanganyika a connu un naufrage sans pour autant faire des victimes. Et le directeur général de l'agence routière du Burundi, interrogé à propos, répond qu'il est difficile de préciser le délai qui reste pour renormaliser la circulation routière sur cette route et se limitant à informer qu'une autre pelle y est attendue pour un renfort. Et plus de 125 milliards de francs est le budget prévu par le gouvernement burundais dans la nouvelle politique d'ajustement salarial des fonctionnaires régie par le statut général de l'État. Déclaration du ministre en charge de la fonction publique ce mardi à l'issue d'une retraite de 2 jours à Gitega. Le ministre Tadendi Kouman affirme que d'ici 10 ans, l'ajustement salarial sera à son terme. Suivez-le au micro de Fidèle d'Antoine Saviman. Nous avons soumis au gouvernement une ordonnance conjointe qui débloque l'avancement administratif du personnel. Parce que, comme vous le savez, quand on a arrêté les annales en 2016, on a stoppé aussi l'avancement de grade au niveau administratif de tout le personnel de l'État. Ça concerne tout le personnel qui est rémunéré sur le budget général de l'État. Ça sous-entend que les paritatiques sont inclus. C'est ainsi que nous avons voulu commencer le mois avec cette retraite. Ils doivent poser des questions, s'imprégner des clauses de la nouvelle politique salariale pour les intégrer dans leur statut salarial revu pour qu'à la fin du mois, ils puissent avoir une base de rémunération tenant compte de la nouvelle politique salariale. Et maintenant, on doit faire le déblocage pour que l'ancienneté puisse être tenue en compte, mais aussi l'avancement de grade. Il y a eu des cotations, des notes de cotation qu'on a conservées depuis 2016. Alors, le déblocage administratif concernera aussi les paritatiques, parce que ça, là où ça avait été géré, et il y a un petit impact financier, parce que l'avancement administratif, c'est le droit de chaque fonctionnaire. Et cela a été calculé dans les 25 milliards qui avaient été alloués aux fonctionnaires régis par le statut général des fonctionnaires. Donc ça a été tenu en compte dans la nouvelle politique salariale. Mais ce qui ne reviendra pas, ce sont les annales. Et le syndicat général du personnel de l'éducation, membre de la COSIBU, trouve que la nouvelle politique d'ajustement salarial est appliquée avec ce mois de juillet n'a pas été vulgarisée aux concernés. Le représentant légal de ce syndicat souhaite que les annales gelées devraient d'abord être débloquées. Manouma Antoine déclare qu'il est difficile de mesurer la part performance dans certains secteurs, dont celui de l'éducation. On l'écoute. Depuis l'année 2016, les annales ont été gelées pour tous les travailleurs du secteur public et parapublic. Les travailleurs de ces secteurs alors s'attendaient à ce que les annales soient débloquées parce que la législation du travail leur confère jusqu'à maintenant les annales conformément aux dispositions, par exemple, du statut général des fonctionnaires. On s'attendait plutôt que les annales soient débloquées afin de régulariser les travailleurs et les travailleurs élevés. Mais maintenant, on parle de performance et qui doit s'appliquer à travers la nouvelle législation, notamment le nouveau statut général des fonctionnaires que les travailleurs attendent, ainsi que d'autres législations particulières, parce qu'on a parlé de législation particulière pour chaque catégorie de travailleurs. Alors, il fallait d'abord lever cet équivoque par rapport aux annales qui sont gérées. Alors, par rapport à la part performance qui sera mise dans la nouvelle législation, et nous avons évidemment des inquiétudes, parce que dans certains secteurs, il est difficile d'évaluer directement les performances, notamment dans le secteur de l'éducation. Parce que si un enfant entre en première année, évidemment, la performance sera mesurée peut-être à la fin de ses études. Alors, vous comprenez que pour évaluer la performance de l'enseignant, c'est un long processus. Et c'est très difficile de mesurer sa performance à court terme. Notre inquiétude est que cette notion de performance vient plutôt freiner l'avancement en grade de certaines catégories de travailleurs. La politique salariale telle qu'elle est en train d'être conçue n'a pas été annoncée aux travailleurs pour que les travailleurs puissent émettre leurs préoccupations. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'être flexible du moment que on constatera des lacunes au sein de cette politique, il faudra alors ouvrir les portes pour que les inquiétudes soient soulevées, soient considérées et intégrées dans l'actuelle politique salariale. Retournons sur l'actualité qui parlait des travaux de construction de pont reliant Moussaga et Kamesa en zone urbaine. Moussaga, c'est la mairie de Bujumbura qui s'évalue à 80% selon les ouvriers rencontrés sur les lieux. Les habitants de Moussaga apprécient cet état d'avancement des travaux. Cependant, ils déplorent que le fait carnaval de ce pont, il y a un ravin situé à l'ouest qui risque de menacer ce pont situé sur le RN7 route Bujumbura-Jenda. Un reportage est signé Evariste Nzekobanyama. Les travaux de construction du pont reliant les quartiers de Moussaga et Kamesa, détruits au cours de l'année passée suite au glissement de terrain, sont satisfaisants. Les habitants vivant tout près de ce pont saluent positivement l'état d'avancement de ces travaux. Nous constatons que les travaux vont bon train. Ils font du bon travail par rapport à ceux qu'ils avaient construits avant. Nous constatons qu'ils sont capables par rapport aux Chinois. Même si les habitants de Moussaga se disent satisfaits, cette infrastructure risque d'être encore une fois détruite à la tombée de la pluie. C'est au moment où, en aval de ce pont, il y a une vallée qui s'agrandit au fur des années. Au moment où les travaux de... La question qui se pose, c'est ce ravin qui est en aval. Ce dernier a une fissure qui provient de la 12e avenue jusqu'ici. Si vraiment on n'aménage pas ce ravin, ce pont va être de nouveau détruit suite aux eaux de ruissellement. Construction du pont reliant Moussaga à Kamesa sont à 80% selon les techniciens rencontrés sur les lieux. Ces derniers indiquent qu'après ces travaux de construction de ce pont se trouvant sur la RN7, ils vont entamer les travaux d'aménagement de ce ravin. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi revient sur le tabagisme qui affecte autant la santé et le bien-être des fumeurs. Et le pneumopédiatre François Ndikumwinayo indique que différentes maladies pulmonaires sont à l'origine du tabagisme. Il donne l'exemple du cancer des poumons. Il conseille les gens qui fument de s'exercer à l'arrêter et si c'est difficile pour eux, demander avis ou conseiller à la communauté, surtout aux spécialistes. C'est les détails de cette chronique santé avec Ornella Mocho. Une fois que la fumée est inhalée, elle arrive au niveau du poumon et passe dans la circulation sanguine et touche presque chacun des organes. Le pneumopédiatre François Ndikumwinayo précise que telle est l'origine de différentes maladies causées par le tabagisme. Le poumon du fumeur est exposé à la fumée et est un poumon qui est très très fragile. Surtout qu'il est régulièrement irrité par la fumée. Et cette irritation va se traduire par l'hypersécrétion des bronches, se traduisant par une bronchorrhée, une perte progressive du souffle. Avec le temps, cela va s'ajouter à une altération de la fonction respiratoire qui va se révéler sous forme d'une maladie qu'on appelle bronchopneumopathie chronique obstructive. Les études ont démontré que 80% des cas de cancer de poumon sont liés au tabagisme. À côté de cette maladie, l'autre risque, c'est de développer un cancer du poumon. Il a été prouvé que plus de 80% des cas traités pour un cancer du poumon ou diagnostiqués de cancer du poumon le sont parce qu'ils ont fumé. Les effets ne vont pas se limiter seulement au niveau du poumon. On assistera à des complications liées à l'usage du tabac au niveau du système cardiovasculaire, au niveau des autres organes qui vont développer des cancers et ces cancers qui ne devaient pas être si le patient n'était pas exposé à la fumée du tabac. Les conséquences concernent aussi les personnes non fumeurs mais qui y sont exposées, d'où Dr François les interpelle à ne pas approcher une personne qui fume. Et celui qui inhale la fumée fumée par quelqu'un d'autre court le même risque mais à des niveaux différents. Et d'abord, quelles sont les circonstances dans lesquelles on est exposé à la fumée du tabac? Quand vous vivez ensemble avec, vous cohabitez ensemble avec quelqu'un qui fume et qui fume à l'intérieur de la maison, de la chambre, ou quand celui qui fume fume au milieu des autres co-employés dans un même bureau ou lors d'un voyage dans un même véhicule. Alors, ces mêmes personnes, ils ont le même risque que les personnes qui fument, mais à des niveaux différents parce que le niveau d'intoxication n'est pas la même. Aussi, disons en tant que l'exposition est longue, c'est-à-dire que le risque augmente comme chez le fumeur. Une situation particulière s'observe chez la femme enceinte. Une femme enceinte qui fume ou qui est fumée par quelqu'un d'autre court un risque que le fœtus se développe avec un poids trop faible par rapport à son âge et court le risque de mort in utero ou de mort après la naissance ou s'il échappe à tous ces risques, c'est de grandir difficilement. Et autre chose, c'est que ces enfants sont exposés au risque de commencer à fumer parce qu'ils vont goûter et dans l'objectif d'imiter les aînés. Selon le site internet du journal Métro, le tabagisme est un facteur de risque important de 21 maladies chroniques, d'où la plupart sont des maladies pulmonaires. Merci, Ornella Mucho. C'est ainsi que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de ce mardi. Merci de l'avoir suivi. Merci à Anselme Milan Bona pour la parfaite collaboration. Merci à Ornella Mucho pour la réalisation de ce journal et Vestine Auto-JT à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.